Je m'inquiète à peine quand le soleil se lève, et je regrette à peine quand la journée s'achève. Je m'en veux à peine, j'ai déclaré la trêve, et je pense à peine, j'oublie d'avoir des rêves, et je vis dans mes souvenirs, je ne veux plus rien devenir. Un jour ou l'autre, il faudra se dire qu'il faudra bien un jour en finir. Respire à peine, je sens le sang dans mes veines, et je bouge à peine, je veux pas qu'on m'emmène. Le temps passe à peine, il traîne, il se promène. Moi je vieillis à peine, tous les jours sont les mêmes. Mais je vis dans mes souvenirs, je n'ai plus aucun avenir. Un jour ou l'autre, il faudra se dire qu'il faudra bien un jour. Je me défends à peine, j'oublie d'être en colère. Je vous écoute à peine parler de vos problèmes, et je m'ennuie à peine, je ne veux pas qu'on m'aime. Et je vis dans mes souvenirs, il faudra bien un jour en sortir. Un jour ou l'autre, il faudra se dire qu'il faudra bien un jour en finir. Je regrette à peine quand la journée s'achève.